En 1756, le roi de France porte une perruque, il aime beaucoup les chats et il s'appelle Louis XV. Louis XV a de très gros soucis. Son pays est en guerre contre l'Angleterre. Que faire? Qui pourra l'aider? Oh, pas de panique! Le roi est bien entouré. Il y a quelques années, il a créé un bureau secret, le secret du roi. Qui y travaille, à ton avis? Mais oui, bien deviné, des espions. Lettres secrètes, messages codés, vols et crocs en jambes. Voici quelques-unes des activités de ces agents très spéciaux. Parmi eux, il y a un être exceptionnel. Il s'appelle... Attention, je te préviens, il a 6 prénoms. Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont, également connu sous le nom de... Chevalier Déon. Le Chevalier Déon est, comme qui dirait, entouré de brume. Tu me diras, normal, c'est un espion. Oui, c'est vrai, mais il a quelque chose en plus. C'est une légende. Déon aime parfois s'habiller en femme. Il s'est même inventé un personnage, un double féminin. Mademoiselle de Beaumont. À son époque, c'est extrêmement rare. Tellement rare que certains ont fini par se demander... Est-ce un homme? Est-ce une femme? Oh, ça les a fascinés! Comme les glaces qu'on déguste au cœur de l'été, cette odyssée aura 2 parfums. Mystère et vengeance! Mais avant, rassure-moi, tu sais bien garder un secret, n'est-ce pas? Nous sommes à Saint-Pétersbourg, la capitale impériale de l'immense Russie. C'est l'hiver, le sol est gelé et les toits sont recouverts de neige. Il fait un froid terrible. Ici, même les souris portent des collants de laine. Le chevalier Déon marche dans la rue. Il éternue. Ah non, hein! Oh, ce n'est pas du tout le moment d'attraper le rhume! C'est en effet sa première mission. Pendant que les armées françaises et anglaises s'affrontent sur le champ de bataille, Louis XV veut convaincre la tsarine Élisabeth de faire alliance avec la France. Ma foi, il a tout à fait raison. Quand on est en guerre, mieux vaut avoir de puissants amis comme la Russie. Pour parler affaires en toute tranquillité, les deux souverains s'écrivent des lettres secrètes. Déon fait passer les précieux papiers dans la plus grande confidentialité. Sans aucun doute, il est l'homme de la situation. Oui, mais oui. Le chevalier joue très bien la comédie. Et puis, il a un charme fou. En des coups de cuillère à peau, ça ne manque jamais. Il se met tout le monde dans la poche. Résultat, personne ne devine jamais les vraies raisons de sa présence en Russie. Et roule ma poule, les lettres secrètes circulent, elles vont et viennent sans s'arrêter. Le chevalier jubile. Bon, il est tellement facile de rouler les gens dans la farine. La mission est un franc succès. La Russie accepte de faire alliance avec la France. Le chevalier a bien protégé le secret. Notre espion est un homme pressé, sans attendre. Allez, fouette cochée! Il saute à pieds joints dans une diligence. En route pour Paris! 10 secondes plus tard, les sangliers sur la route l'entendent ronfler. C'est le fameux repos de l'espion, triomphant, victorieux. Tandis que le chevalier rentre à Paris danser la farandole avec ses copains camembert, posons-nous une petite question. Lors de sa première mission, a-t-il déjà commencé à s'habiller en femme? D'après les sources que j'ai consultées, il semblerait que non. En tout cas, pas dans le cadre de son activité d'espion. En revanche, dans sa vie privée, peut-être. C'est ce que semblent suggérer certains témoins de l'époque. Lors de son séjour, plusieurs habitants de Saint-Pétersbourg ont en effet raconté avoir rencontré une jeune femme française qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au chevalier Déon. Coïncidence ? Non, je ne crois pas. À tous les coups, c'était lui. De retour à Paris, le chevalier est reçu par le roi dans son château. Les deux hommes sont face à face. Il est environ 23 heures, la nuit est tombée depuis belle lurette, toutes les bougies sont allumées. Le silence règne. Qui va prendre la parole en premier? Et surtout, pour dire quoi? Le roi? Le chevalier? Le roi? Le chevalier? Oh, le roi! Bravo, chevalier, et merci. Vous avez accompli votre mission à la perfection. Vous avez toute ma confiance. En sortant du rendez-vous, Déon a les joues toutes rouges. Ça, par exemple, le roi de France m'a remercié, moi, en personne. Waouh ! Ma parole, c'est la gloire. Fier comme pas deux, il se sent tout d'un coup d'humeur à faire une folie. Ni une, ni deux, il rejoint un régiment de soldats. Avec bravoure, avec panache, il combat sans relâche. Pendant ce temps, chez les rois et les reines, il y a du remue-ménage. Le 17 décembre 1761, Élisabeth, la tsarine de Russie, meurt. La France perd son précieux allié. En plus, oulala, question bataille, ça ne se passe pas très bien. Le pays, sacre bleu, est en train de perdre la partie contre l'Angleterre. Vite, Louis XV rappelle le chevalier à son secours. Mon cher chevalier, le royaume de France a besoin de vous. Vous devez reprendre vos activités secrètes. Revenez au secret du roi. Le chevalier accepte en faisant la révérence. À votre service, votre majesté. Puis, il disparaît dans la nuit sur la pointe des pieds. Quoi ? Comment ? Le roi de France lui-même, en chair et en os, lui demande de l'aide. Dans la hi-hou ! Crie-t-il en sautant en l'air. Il adore, il adore ! Il adore! Dans un brouillard de tous les diables, le chevalier débarque à Londres, la capitale de l'Angleterre. Il accomplit là-bas deux missions de la plus haute importance. Durant la première, il arrive à dérober des documents lors d'un dîner. Bien joué, le chevalier! Quant à la seconde, elle est... ouille! Légèrement plus dangereuse. Louis XV a dans la tête un plan diabolique. Il l'explique en détail dans une lettre signée de sa main qu'il envoie à Déon. Mon cher chevalier, je prévois d'attaquer secrètement l'Angleterre. Comme vous le savez, les côtes de ce maudit pays sont pleines de rochers, de vilains cailloux extrêmement pointus. C'est véritablement un calvaire pour les bateaux. Sans éveiller aucun soupçon, je vous charge d'inspecter les côtes et de repérer les endroits propices à un futur débarquement. Motus et bouche cousue. Les Anglais, évidemment, ne doivent se douter de rien. Sinon, vous comprenez bien, bye bye l'effet de surprise. Nous sommes en 1763. L'Angleterre et la France viennent de signer la paix. Sur les peintures officielles, Louis XV sourit. Mais à l'intérieur, son cœur bout. Il veut sa revanche. Déon, sans sourciller, obéit à son roi. Le voici qui parcourt les côtes anglaises en long, en large, en travers. Il repère les plages, il repère les grottes, il compte le nombre de cailloux, de moules, de bulots, de Bernard l'ermite et de chapeaux chinois. 12 354. Bon, je recommence. Il connaît même la taille des pinces des crabes. Tout ça, waouh, sans jamais prendre aucune note. Pour ne pas se faire repérer, il fait semblant d'observer les oiseaux avec une longue vue. Lorsque les promeneurs le collent d'un peu trop près, vite, il pousse un cri de mouette. C'est une très bonne tactique. Il donne ainsi l'impression qu'il est en train de dialoguer avec elle. Et personne ne vient jamais l'embêter. Impressionnant. Pétard, il a pensé à tout. Oh, c'est un sacré bon espion. Louis XV, finalement, renonce à attaquer l'Angleterre. Aucune importance. Le chevalier, de son côté, a accompli sa mission à la perfection. Il se sent poussé des ailes. Il a l'impression d'être ultra puissant et même mieux, indispensable. Son rôle est d'une importance capitale. Il en est persuadé. La preuve, grâce à lui, le roi de France a failli attaquer l'Angleterre. Le soir, il se roule dans son lit en mangeant de délicieux gâteaux et en chantant « Qui c'est le plus fort ? Mais oui, c'est le chevalier. Bravo, bravo, petit chevalier. Ta réussite est extraordinaire. » Oh non ! Pauvre Déon ! Tu perds la boule, tu dérailles ! Bientôt, ta tête sera si grosse que tu ne pourras plus passer les portes. Pendant ce temps, à Paris, Louis XV décide de nommer un nouvel ambassadeur en Angleterre. Un ambassadeur, c'est un représentant officiel, rien à voir avec un espion, on est d'accord. Mais pas dans l'esprit du chevalier. Un rival, comme une vilaine ombre, vient de se glisser dans le tableau. Déon va-t-il réussir à le supporter? La réponse est non. Dès le premier regard, il le déteste. Un soir, il écrit dans son journal « Cet homme est une quiche ? Pire, une andouille. Il est tellement idiot qu'on dirait qu'il a de la cancoyotte dans le cerveau. Et encore, c'est pas bien gentil pour la cancoyotte, qui, comme chacun sait, est le meilleur des fromages. » Plus le temps passe, plus le chevalier déraille. Il a les yeux tout rouges et ses moustaches frisent. Rien n'arrête son délire. Après l'ambassadeur, il en veut désormais au roi. Après tout ce que j'ai fait pour lui, sa majesté envoie un ambassadeur? Quoi, mais pour prendre ma place? Oh, il va voir de quel bois je me chauffe. Je m'appelle Chevalier Déon et je suis un grand espion. Et surtout, je sais certaines choses. Oui, tu as bien entendu. Pour se venger, Déon prévoit de révéler des secrets d'État. Il veut faire chanter le roi. La, la, la, la, la, mais non, oh, pas comme ça. Okay. Comme dans menacer, faire du chantage. Louis XV, évidemment, ne réagit pas très bien. Il est même scandalisé. Quelle honte! Mais comment ose-t-il s'en prendre à son roi? Cet homme est un fou. Il l'écopresto. Il décide de s'en débarrasser. Le chevalier est renvoyé. Il n'a plus le droit d'être un espion. Seul, au bout du rouleau, il marche sous la pluie. Des larmes coulent sur ses joues. Plus rien. Il n'est plus rien, le petit chevalier Déon. Ne t'inquiète pas, son histoire ne s'arrête pas là. Cela ne t'aura pas échappé, il y a une partie de la vie de Déon que nous n'avons pas encore abordée. L'énigme Déon, ou plutôt Mademoiselle de Beaumont. Et oui, son personnage, son double féminin, que devient-il? Justement, nous y arrivons. Déon a dans les 42 ans, après toutes ses aventures, il décide d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Désormais, il s'habille chaque jour en femme, il devient, et pour toujours, Mademoiselle de Beaumont. Évidemment, ça fait jaser. On se demande bien ce qui lui passe par la tête. Mademoiselle s'en fiche, elle continue. Comment? Mais avec fougue et avec panache, pardi. La dernière fois qu'elle a fait parler d'elle, elle gagnait haut la main des combats d'escrime. Oh, oh, oh, sacré chevalier! Oh, pardon. Je veux dire, sacrée chevalière. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au début de l'Odyssée, j'ai utilisé le mot croque en jambe. C'est tout simplement une autre façon de désigner les croche-pieds. Le croque en jambe est une pratique déloyale et sournoise. Si tu en es un jour la malheureuse victime, relève-toi. Et avec fougue et panache, demande en fronçant les sourcils, qui est l'affreux Jojo qui a osé me faire ce terrible croc en jambe ? Crois-moi, ça fera son petit effet.